premier temps d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire des jeunes filles. Mais qu'est-ce qu'une jeune fille? Ce sera une des questions que nous poserons à nos invités cette semaine. Demain, nous vous proposerons un documentaire de Séverine Yatar et Séverine Cassard consacré à une jeune mulhousienne assassinée à Auschwitz en 1943 et redécouverte récemment par sa ville natale. Mercredi, nous nous intéresserons à ces jeunes filles surveillées par les médecins et les directeurs de conscience au 19e siècle et jeudi, aux jeunes filles rebelles du 20e siècle. Et aujourd'hui, me direz-vous, eh bien, nous débuterons cette émission en nous intéressant à des jeunes filles qui ont vécu entre 1920 et 1950 en Anjou et sur lesquelles Frédéric Lamrani Boisseau a réalisé sa thèse, puis au nom des jeunes filles et des femmes, à partir du nouveau numéro de la revue Clio, Femmes, Genre et Histoire, dont nous parlera une des contributrices, Florence Rochefort. Ans, une mélodie composée par Chopin en 1842 et interprétée ici par Olga et Natalia Pasichnik pour ouvrir cette série d'émissions consacrée aux jeunes filles avec vous, Séverine Yatar. Bonjour. Bonjour. Avec vous également, Florence Rochefort. Bonjour. On terminera en deuxième partie de cette émission et avec vous, Frédéric Alamrani Boisseau. Bonjour. Vous venez donc de publier une thèse aux presses universitaires de Rennes. Ouais. Elle est déjà publiée depuis un certain temps, mais enfin, c'est récent quand même. Donc, Filles de la Terre, qui s'intitule sous-titre Apprentissage au féminin, Anjou 1920-1950, avec une préface de Christine Barr. Et dès le début, vous ne vous posez pas la question de comment vous allez appeler justement ces jeunes filles. Vous les appelez des jeunes filles. Et ça n'est peut-être pas tout à fait évident que de trouver une dénomination pour ces jeunes filles qui sortent de l'enfance et qui vont devenir ensuite femmes et pour qui l'adolescence est un âge compliqué, surtout quand on grandit justement en Anjou, dans le milieu rural, Frédéric Lamrani Boisseau. Oui, effectivement, la notion de jeune fille n'est pas forcément une catégorie facilement appliquée aux jeunes filles des milieux populaires ruraux. Et dans mon travail, ce que j'ai voulu montrer, c'était en partie ma problématique, c'est comment une façon de faire jeune fille, qui était au départ identifiée comme une particularité des milieux bourgeois du 19e et du début du 20e siècle, s'est peu à peu diffusée, d'une façon percolée, dans les milieux ruraux. Alors l'exemple de l'Anjou est mon exemple de terrain, mais je pense que c'est assez valable également pour quantité d'autres régions dans un milieu qui est un milieu rural. Donc en anglais, on a une expression qui signifie « girlhood », qui est tout un processus, à la fois un moment d'éducation et également une sorte d'ensemble de paramétrage de l'état de jeune fille, mais ce mot n'existe pas en français. En français, et quand il y a un mot qui est absent, ça peut avoir une signification. Séverine Yatar. Alors Frédéric Lamrani, pour travailler justement sur cette fabrication de la jeune fille en milieu rural, vous avez beaucoup travaillé sur... Vous avez fait une enquête orale assez importante, hein, puisque je crois que vous avez fait plus de 100 interviews de dames aujourd'hui âgées, nées au début du XXe siècle. Et donc, ce ne sont pas vos seules sources, mais en tous les cas, c'est la particularité aussi quand même de ce travail de recherche énorme, hein, que vous avez constitué pour justement comprendre cette fabrication d'identité, cette structuration de l'identité jeune fille dans le milieu rural. Oui. Oui, effectivement. Bon, pour d'emblée, j'avais décidé de me baser sur un corpus de sources autorales, et j'ai dû pour cela aller à la rencontre de vieilles dames qui, pour la plupart, maintenant sont décédées. Quand j'ai soutenu ma thèse en 2010, il y en avait déjà 43 qui étaient décédées. Alors, je pense que depuis, il ne doit pas en rester beaucoup. Celles qui sont couvertes de mon livre sont toujours vivantes, mais c'est peut-être les cinq dernières du corpus. Mais parce qu'aussi, Frédéric Alamrani travaillait sur les jeunes filles de ce milieu-là, au niveau de la source écrite. Il y en avait beaucoup moins que, par exemple, sur le milieu des jeunes filles bourgeoises. Même s'il y a des écrits, hein. Bien sûr, vous avez aussi travaillé sur des écrits, faut le préciser. Oui, mais... tout à fait, ce sont des catégories de population qui ont peu laissé de sources écrites. Bon, contrairement aux jeunes filles qui ont pu tenir des journaux ou qui ont une pratique de l'écriture, mes témoins, pour la plupart, n'avaient jamais écrit, sauf dans tout ce qui relève du courrier ordinaire, et n'avaient pas laissé de traces sur leur intimité. Alors j'ai quelques témoins qui évoquent des journaux intimes, j'en ai une qui évoque un journal intime, mais c'est vraiment la seule occurrence en la matière. Oui, parce que c'est là où il y a une différence par rapport à d'autres historiennes qui ont pu travailler sur les femmes au 19e ou au 20e siècle, comme d'ailleurs Michel Perrault avec le journal de Caroline B. par exemple, qui est donc la preuve que dans un certain milieu, eh bien, on poussait d'ailleurs ces jeunes filles à se confier à un journal intime ou à un confesseur. On en parlera d'ailleurs mercredi dans cette même émission. Et vous dites, en reprenant le terme d'une autre historienne, que en fait, l'adolescence est un âge de classe, dites-vous, et que la jeunesse est un âge pour tous. Donc, il y aurait une jeunesse, et puis ensuite, dans certains milieux, eh bien, pas d'adolescence et donc pas véritablement de jeunes filles. Et vous pensez par exemple que le milieu rural sur lequel vous avez travaillé fait partie de ces milieux où on n'a pas le temps d'être une jeune fille d'une certaine façon. Oui, on n'a pas le temps d'être une jeune fille, on n'a pas le temps d'arborer les signes extérieurs, notamment vestimentaires, d'une féminité juvénile. Moi, ce qui m'avait assez frappé lorsque les témoins ont présenté des photos d'elles jeunes filles, c'était la distinction entre une jeune femme, habillée comme une jeune femme, et une jeune fille. Je pense toujours à un portrait qui est dans ma partie publiée, où on voit une jeune, une Lucienne, qui a 13 ans sur la photo, mais on jurerait qu'elle a au moins 20 ans de plus. Elle est habillée exactement comme sa mère. Donc il n'y a pas de... Assez brutalement, on passe de l'âge de l'enfance à un âge qui est un âge quasiment d'adulte, avec des responsabilités, notamment de production d'adultes. La seule différence, c'est qu'on reconnaît quand même à la jeunesse qui va jusqu'au mariage. Après, beaucoup de témoins disent la jeunesse, après, c'est fini. Que l'on se marie à 18 ou à 20 ans, de toute façon, après, c'est fini. C'est un temps de loisirs spécifique que n'ont plus forcément les adultes et que n'ont pas les enfants. Les enfants jouent, les adultes font autre chose, seule la jeunesse s'amuse. Mais c'est la seule spécificité. La question de l'école est importante, Frédéric Alamrani, parce que justement, ces jeunes filles, elles ne vont pas forcément justement à l'école jusqu'à 14 ans, comme la loi le préconise. Elles sortent de l'école à 12-13 ans, et effectivement, il n'y a pas ce passage, cet entre-deux, cette phase de latence entre l'âge d'enfance et l'âge adulte. Assez rapidement, elles sont mises au travail, dans des contextes différents. Et j'avais été assez surprise de voir à quel point la fin de scolarité avait pu être anticipée, y compris par rapport aux lois qui prescrivent 13 puis 14 ans. La plupart, à part 5 témoins, aucune n'est allée au-delà de 12 ou 13 ans, au-delà de l'obligation scolaire légale, qui était, en fin de compte, assez peu appliquée. Alors, il y a aussi des particularités. Il y a la mention, par exemple, pour certaines de ces jeunes filles, des écoles ménagères qui doivent permettre, a priori, à ces jeunes filles de devenir de bonnes femmes au foyer. Donc, on va leur apprendre des rudiments de jardinage, des rudiments, plus que des rudiments, d'ailleurs, de cuisine, de comment on nettoie et on repasse le linge, tout cela. Mais ça, c'est une formation qui est spécifiquement, dites-vous, pour les jeunes filles. Et évidemment, dont les jeunes hommes n'ont pas du tout connaissance de leur côté, d'une certaine façon. Eux, ils poursuivent leurs études avec les écoles primaires supérieures, par exemple, et elles, on les aiguille vers ces écoles ménagères quand elles existent. Et j'étais d'ailleurs surpris de voir que même un ministre très progressiste comme pouvait l'être Jean Zay avait, dans une circulaire de 1938, dit que les jeunes filles apprendront de leur mieux le métier de ménagère et le métier de maman. Oui, tout à fait. Mais même ces écoles ménagères ne sont suivies que par une toute petite minorité du corpus. Pour la plupart, cette formation, je pense, a été suivie. J'ai en mémoire un témoin qui a vraiment suivi un cursus, entre guillemets, qualifiant dans ce type d'école, juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est une possibilité qui est offerte, mais qui souvent n'est absolument pas saisie. Hein. C'est pas non plus un cursus éducation nationale, enfin entre guillemets instruction publique. C'est un cursus un petit peu parallèle. Donc c'est peut-être un objectif qui a rarement été concrétisé par les témoins. Et puis alors, ce qui est évidemment passionnant dans votre travail, Frédéric Alamrani, c'est que construire sa propre identité, ça passe par l'éducation, la famille, l'éducation extérieure, l'école ou l'église, et puis la représentation qui est donnée de cette jeune fille, ou en tous les cas de la jeune fille, dans par exemple la presse peut-être, des romans feuilletons, voilà, parce qu'il y a une éducation culturelle, éventuellement peut-être le cinéma, justement, ce temps des loisirs dont vous parliez, auquel ces jeunes filles n'ont pas tellement accès, mais elles y ont quand même accès. Enfin, en tous les cas, elles ont envie. Oui. Alors, c'est le loisir, pour ce que dire ces vieilles dames, le loisir est beaucoup plus souvent un temps partagé avec d'autres qu'un temps partagé avec soi. Par exemple, la lecture, toutes ne sont pas des fanas de lecture, pas plus que nos jeunes gens et nos jeunes filles contemporaines. Donc, il n'y a pas forcément... Le cinéma, la plupart des témoins que j'ai pu rencontrer, seuls les témoins urbaines, avaient été régulièrement au cinéma. Le cinéma dans les campagnes angevines des années 30, c'est Charlot au mieux, ou des films montrant des... C'est Gaby Morlaix dans Le Voile Bleu, par exemple. Pour les urbaines, c'est Gaby Morlaix dans Le Voile Bleu, mais c'est pour les campagnes, oui, c'est ça. Il y a deux types de cinéma en plus. Alors, hein, pour les campagnes, c'est souvent le cinéma du patronage religieux, hein, avec des films muets, des films comiques, ou alors, j'ignorais qu'elles existaient, des bandes de recrutement fait par les nombreuses congrégations religieuses missionnaires du département qui montrent à leurs ouailles des films qui ont tout parfois du film d'aventure avec des nonnes qui vont évangéliser et apprendre. Alors, au bout du monde. Voilà. Au bout du monde, et ça c'est un... Oui, et c'est d'ailleurs très intéressant parce que évidemment on ne peut pas, quand on parle de l'Anjou des années 1920-1950, s'abstraire de la question religieuse. Vous dites que si on regardait de très loin, on pourrait penser qu'il y avait là une sorte de plaquage d'un 19e siècle qui n'avait pas beaucoup bougé en termes de reconquête en particulier des cœurs et des esprits, donc qui avait été marqué pendant le 19e siècle et après la Révolution française par une sorte de déchristianisation. Mais vous dites tout de même que cette reconquête est nuancée parce que entre le 19e siècle du début et puis la période donc des années 20-50, eh bien cette église change, elle commence à privilégier justement cette idée que avec la question de la en particulier de la natalité, il va falloir écouter un peu plus ces jeunes filles et travailler un peu plus sur même leur sexualité. Et l'Église, dites-vous, travaille sur cette sexualité. Oui, il faut, si on veut conserver les ouailles qui restent et éventuellement en conquérir d'autres, il importe à l'Église de moderniser son discours. Alors le discours reste foncièrement le même, mais la façon de le présenter est faite pour le rendre plus attractif, auprès des jeunes filles. L'abbé Violet en particulier. Oui. Alors, c'est pas mes témoins n'ont pas lu l'abbé Violet, mais elles ont beaucoup plus souvent été en contact avec les réseaux de jacistes. Donc la jeunesse agricole chrétienne. Voilà, et qui a joué un rôle extrêmement important de modernisation du discours afin d'amener les jeunes filles à toujours à pouvoir ensuite être les mères catéchistes que l'Église souhaitait qu'elles soient. Et ça impliquait notamment des loisirs qui étaient parfois mieux encadrés et plus attractifs que les loisirs proposée par l'école laïque en termes de éventuellement d'excursions mystiques, si on peut dire, touristico-mystiques dans les différents pèlerinages. À Lourdes ou ailleurs. Alors également à propos de la thématique du bal, prendre en compte que le bal, bon, bah, les filles y vont, alors bon, on peut plus leur interdire d'aller au bal, mais on peut éventuellement les conseiller sur la façon de s'y comporter. Donc il y a une modernisation des moyens, pas forcément du discours, mais des moyens. C'est vrai, parce que oui, l'idéal aussi de la femme, de l'image type qu'on veut, enfin l'image qui transfuge après la guerre, par exemple, c'est cette mère au foyer, mais une fédulogie, bien mariée, etc. Comment justement la jeune fille du milieu rural, elle s'identifie, parce que c'est plutôt l'image d'une femme urbanisée, hein, dans cet idéal. Hein, elle a aussi des représentations qui lui permettent de s'identifier à cette fille des milieux urbains. Alors, c'est un processus qui est assez complexe. Quand je pense à mes témoins, leur mère, du moins pour celles dont les mères étaient, comme c'est souvent le cas, à la terre, comme elle le disait, c'est ce désir de logis, ce désir d'habitat à entretenir, de femme qui n'a pas d'activité productive ailleurs, arrive assez tardivement et devient vraiment patent dans les années justement d'après-guerre, où notamment la modernisation de l'agriculture va faire que les femmes vont se trouver peut-être moins mobilisées par les tâches agricoles et vont avoir à ce moment-là et le temps de performer ces critères de fidulogie, du moins pour certaines d'entre elles, et notamment pour les filles des bourgs, pas forcément pour les filles de la campagne. Alors, vraiment. Effectivement, et de s'émanciper aussi de la tutelle de leurs parents ou de leurs beaux-parents, pour certaines d'entre elles. C'est ce moment où on verra apparaître la question de la décohabitation, mais c'est à partir des années 50 et début des années 60 dans d'autres régions, qui est donc l'idée qu'il faut que les enfants d'une famille, même s'ils restent à la terre, construisent à part ou s'installent à part de leurs beaux-parents, parce que la tutelle de la belle-mère, par exemple, était considérée comme une tutelle très forte sur les jeunes filles en question. Mais néanmoins, il y a une autre tutelle, et sur laquelle vous insistez beaucoup, Frédéric Alamrani-Boisseau, c'est la tutelle du père. Oui, alors la tutelle du père, c'est assez... qui est à la fois dans la distance et en même temps, qui est celui qui... la tutelle du père, c'est pas forcément du père, c'est plutôt de l'homme. À un moment donné, je parle plutôt de viriarque, pardonnez-moi, de néologisme plutôt que de patriarche. C'est plutôt l'idée que, de toute façon, en dernier ressort, c'est l'homme qui va décider. Alors, c'est pas forcément les pères se font respecter, mais ne s'investissent pas forcément beaucoup dans l'éducation. Ils sont là, en dernier recours, c'est eux à qui on va demander notamment de punir ou de sanctionner, mais ils ne sont pas forcément très présents dans le processus éducatif. C'est plutôt les mères qui... Alors les mères, justement, parce que voilà, elles ont un rôle. Alors, les mères en tant qu'épouses, on leur délègue, si on peut dire, le droit de correction. C'est elles qui sont chargées au quotidien de faire en sorte que les enfants aillent droit, pour les garçons comme pour les filles, mais surtout pour les filles. Les ordres viennent du père, la mère les met à exécution et elle doit rendre au père compte de la façon dont elle élève leurs propres enfants. Alors la richesse de votre livre, donc tiré de votre thèse, Frédéric Alamrani, est considérable, puisque vous y regardez à la fois le regard des autres, vous avez aussi interrogé pour ce travail des hommes, qui étaient jeunes hommes, comme les jeunes filles que vous avez interrogées bien plus tard, et puis vous y posez des questions sur le regard que peuvent porter, par exemple, les enfants sur leurs propres parents, sur la sexualité de leurs parents, sur la façon dont ils se comportent, la façon dont les filles disent souvent « ma pauvre mère ». Oui. Ma pauvre mère, ça veut dire quoi, justement, selon vous, quand elles disent « ma pauvre mère » Ça veut dire qu'elles ont conscience que leur mère a vécu dans une condition difficile. Oui, souvent difficile. Alors, pas forcément toujours difficile non plus. Il y a aussi, bon, des histoires heureuses. L'histoire des femmes dans les campagnes du début du XXe siècle n'est pas forcément l'histoire d'une somme de malheurs, Dieu merci. Mais il y a notamment par rapport à une sexualité qui n'est pas protégée, bon, le poids que peut représenter pour une femme des maternités non désirée. Et l'idée qu'on ne peut pas se soustraire au devoir conjugal avec toutes les conséquences qui peuvent en résulter en termes de charge de maternité. Avec cette surimposition en particulier du poids de la dénatalité due à la Première Guerre mondiale, qui, visiblement, dites-vous, est présente dans tous les discours. Discours de l'Église, discours des instituteurs et des professeurs à l'école, discours des médecins. Oui. Et tout cela se surimpose à ces jeunes femmes qui vont devenir mères. Oui, alors tout à fait. Mais ce qui m'a aussi souvent frappée, c'est, Dieu merci, si on peut dire, le décalage entre des discours qui sont connus, qui sont compris, et puis des accommodements qui permettent quand même de préserver des espaces d'émancipation et d'autonomie. Nataliste, oui, mais toutes ne sont pas issues de familles très nombreuses, et toutes n'ont pas eu beaucoup d'enfants. Donc il y a toujours des accommodements possibles, à condition de respecter le grand cadre, de ne pas mettre en question les normes. Et il y a aussi cette question justement de la transmission, de la non-transmission des mères aux filles, sur justement ces questions de la sexualité. Il y a un chapitre que vous écrivez aussi sur la question des règles, des oui. premières règles, où on ne dit rien, en fait. On ne dit rien. Des interdits, quand voilà. même. À partir de là, beaucoup d'interdits. Mais voilà, sur qu'est-ce qui se passe. Alors, les jeunes filles, elles se renseignent soit par leurs aînés. Oui, alors beaucoup, oui. Beaucoup, oui. La plupart du temps. Et puis, elles découvrent, voilà... Alors, quand défendu, voilà les... Oui, l'éducation se fait beaucoup... Pour tout ce qui concerne les aspects de la sexualité, de la puberté, l'éducation se fait vraiment entre pairs. C'est vraiment les vecteurs de l'information, vérifiée ou pas vérifiée, avérée ou pas avérée, mais c'est vraiment cette éducation, entre guillemets, sexuelle et parasexuelle, se fait vraiment dans le cadre des pairs, plus que dans la transmission, qui n'est pas une transmission entre les mères, ou très peu entre les mères et les filles. En tous les cas, Frida Kahlo Amrani, elles vous l'ont raconté, ça? Ces femmes, oui. C'est aussi cette question, c'est-à-dire comment on aborde cette question de l'intime, hein, quand justement il n'y a pas d'écrit, alors d'autant plus sur l'intime. Et donc vous avez fait des interviews, oui, et même des interviews collectives, oui, je crois. Et elles ont parlé de ces questions, de l'intime, de l'hygiène aussi, parce qu'il y a tout un chapitre sur cette question, oui, du vêtement, alors, de la sexualité. Par rapport à ces deux sujets, entre la sexualité et l'hygiène, c'est sur l'hygiène qu'il a été le plus difficile de les faire parler. Ah, oui. Sur la sexualité, bon, il y a différents éléments qui, notamment, elles sont aussi de ce siècle et de la fin du siècle, donc elles ont très bien entendu les discours médiatiques sur la dédramatisation de la sexualité. Donc ça, elles en parlent peut-être plus volontiers. Et puis, justement, c'est une des très bonnes surprises de la collecte de sources orales, c'est de voir que le contexte collectif pouvait en fin de compte être plus libérateur de la parole que l'entretien cadré avec un témoin qui a un récit à raconter qu'on ne veut pas interrompre, alors que du collectif peut naître quantité de questionnements tout à fait intéressants. Oui, vous dites tout de même qu'il y a deux sujets, oui, liés à la sexualité dont elle ne parle pas ou pas du tout. Oui. La question de l'avortement. Oui, alors ça, tout à fait. Et la question de l'inceste. Très peu. Oui, très peu. Alors, en même temps, je n'ai que 100 témoins. D'un point de vue statistique, c'est peut-être beaucoup pour une enquête orale, mais ce n'était pas forcément significativement, d'un point de vue statistique, je pense qu'on ne peut pas forcément en déduire quoi que ce soit. Mais, alors, dans la question spécifique de l'avortement, il y a le fait que quand même toutes ces femmes ont vécu leur vie de femme et de maternité possible dans une époque où l'avortement était encore pénalisé. Donc je pense que pour elles, ça reste de toute façon une pratique plus interdite, mais qui reste marquée par ce régime de pénalisation, mmh, qui les a accompagnées toute leur vie de femme. Et puis, en ce qui concerne la sexualité, ce qui reste tabou pour elles, c'est pas forcément les relations prénuptiales. Constater que une grande partie avait quand même passé le pas avant la nuit de noces, c'est le polypartenariat qui est très mal vu. Il faut que le premier, même si c'est avant le dernier, avant le mariage, soit en fin de compte le dernier. Mmh. On veut bien essayer, on ne dira pas, on veut bien dire qu'on a essayé, on ne dira pas qu'on a voulu comparer. Ça, non. C'est que vous insistez beaucoup dans votre thèse, justement, qui est parue sous le titre de « Filles de la Terre », sur les critères, enfin les adjectifs que l'on donne. Alors il ne faut pas être une coureuse. Oui, alors différents types de coureuses. Mais il faut être une fille sérieuse. Mais être une fille sérieuse, c'est quoi? C'est être travailleuse, être discrète, être vertueuse et fidèle. Donc fidèle à son premier amour qui restera celui qu'on aura jusqu'au bout de sa vie. Ou du moins qu'on a dit qu'on avait jusqu'au bout de sa vie. Non, ouais. Mais voilà, c'est une évolution peut-être minime, mais c'est la reconnaissance d'une sexualité prénuptiale, hein, qui devient, sinon la norme du moins, qui est nettement moins déconsidérée. Mais le tabou va être justement sur le nombre des partenaires. Et là, il y a une différence évidemment avec les hommes. Tout à fait. Parce que c'est aussi ça, cette construction du genre féminin, comparativement à celle de leurs confrères, de leurs camarades. Les quelques hommes que j'ai pu rencontrer n'ont jamais fait mystère, justement, du fait qu'ils avaient pu rencontrer différentes jeunes filles. Oui, et vous dites, par exemple, que le père de famille, si sévère parfois, et la plupart du temps, tolère l'insolence de la part des jeunes garçons, c'est même une qualité, mais ne la tolère absolument pas de la part des jeunes filles. Ah, tout à fait. Et l'insolence, notamment en public des jeunes filles, est quelque chose qui est très sévèrement réprimé. Les parents ont à cœur de se montrer des bons parents. Des bons parents sont des parents, entre guillemets, qui châtient bien. Et il y a une sorte de mise en scène de l'autorité du père qui se doit, devant la communauté, de châtier la fille insolente ou sous-potée insolente. Ou qui a transgressé, par exemple, comme cette jeune fille sur son char. Voilà, avec la petite mouche. Lors d'une fête de village, trop maquillée. D'autant qui était déguisée, en fait. Voilà, tout à fait. D'autant que le père était en plus un édile local, donc il était insupportable qu'il puisse être vu comme n'étant pas capable de faire régner l'ordre et tous les ordres dans son foyer. Alors on trouve des choses absolument formidables dans ces entretiens que vous avez pu avoir. On y trouve par exemple cette femme qui demande à son mari, qui visiblement continue à avoir des relations avec quelqu'un qu'elle aime beaucoup, en dehors de sa relation maritale, et lui dit pourquoi tu ne t'es pas marié avec elle? Et il lui répond, je ne me suis pas marié avec elle parce qu'avec elle, j'étais sûr d'être cocu, avec toi, pas du tout. Voilà, c'est vraiment le double de standard de morale dans toute, je ne dirais pas sa splendeur, ou dans toute son horreur. Et c'est assez intéressant de voir que, quand il s'agit de choisir leur future femme, les hommes, même s'ils n'ont pas de pratique religieuse, vont accorder une plus-value en termes de matrimonial, une plus-value à une jeune fille qui aura été éduquée dans un contexte religieux. Et les parents, souvent, quand ils ont le choix, vont faire éduquer leur fille dans une école religieuse. Leur garçon, qu'ils aillent à l'école sans Dieu, ça pose pas vraiment de problème. Mais il est absolument nécessaire que les filles soient éduquées dans une perspective de pureté. Et comment sortir de son milieu aussi, Frédéric Elamrenn? Il y en a certaines qui tentent, soit en se mariant, par exemple, avec un urbain. Oui, alors c'est le grand changement. Le changement n'est pas tellement un changement de catégorie sociale. Il y a peu d'hypergamie, peu d'hypogamie non plus. Il y a quelques cas, mais assez peu. C'est le changement de milieu de vie, le changement de contexte. La campagne, la ville, c'est la grande transformation qui reste toujours dans le cadre d'une homogamie, mais qui n'est plus de l'endogamie. C'est le passage à la ville qui change considérablement le mode de vie et qui coupe notamment le contact avec la collectivité. Oui, parce que vous insistez beaucoup, beaucoup, Frédéric Elamrenn, sur le fait que ces jeunes femmes, ces jeunes filles sur lesquelles vous avez travaillé en Anjou entre 1920 et 1950, à partir de leurs témoignages, au bout du compte, elles ont un horizon qui est relativement restreint, mais qui a été restreint essentiellement par les données familiales. C'est-à-dire que ce sont leurs parents qui leur ont inculqué l'idée qu'il ne fallait pas aller chercher beaucoup plus loin son futur mari, par exemple. Oui, alors ça c'est aussi quelque chose qui m'a semblé assez, qui est revenu assez souvent dans le témoignage, c'est le fait qu'il y avait une sorte d'interdiction de vouloir aller plus haut, de vouloir sortir de son milieu, notamment pour les filles, par les études. Celles qui tentent autre chose n'est pas forcément bien acceptée, serait vue comme reniant son milieu ou ayant honte de ses parents. Donc il y a ici une sorte d'intégration. D'un discours qui pousse à, entre guillemets, rester à sa place. C'est difficile de ne pas, pas être conforme à la norme, alors. Ah, c'est très compliqué. C'est aussi ça, votre travail. Oui, mais on n'en souffre pas forcément non plus. C'est ça aussi qui m'avait semblé assez, assez intéressant. Je voulais m'intéresser à celles qui ont accepté, qui n'ont pas forcément contesté. Alors que, il y a beaucoup de travaux, je pense notamment à David Niger qui va venir jeudi, ont travaillé sur la contestation. La contestation n'est pas pas la réaction la plus et n'est pas forcément et l'acceptation n'est pas forcément mal vécue non plus. Et d'ailleurs cette contestation ou ces exemples un peu à l'écart, on peut en trouver un exemple dans votre livre avec ce jeune garçon quatrième de sa famille qui alors que toute la famille attendait une fille pour pouvoir rester au foyer, eh bien va être dédié justement à rester au foyer, à faire la vaisselle, à faire le ménage, à faire la cuisine pour ses parents parce que ses deux parents travaillent à l'extérieur, et il va devenir donc la jeune fille de la maison, tout comme on dit généralement. Et c'est un exemple extrêmement intéressant qu'on trouve rarement et que vous avez donc trouvé pour votre travail Fille de la Terre, apprentissage au féminin, Anjou 1920-1950, avec une préface de celle qui a dirigé votre thèse, à savoir Christine Barre. Voilà, aux presses universitaires de Rennes. Merci à vous. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Tes lèvres au parfum de fleurs, douce à croquer, ont la forme d'un cœur. Taque ses ans, t'es jolie, et rien qu'à moi. Oui, t'as des cheveux lumineux, pleins de rubans, aussi bleus que tes yeux. Taque ses ans, t'es jolie et rien qu'à moi. Même éveillé, c'est curieux, je crois rêver quand tu es là. Oui, devant moi, t'es mon fétiche, mon rêve vivant, mon doux printemps, ta peau a pris à l'été. On voudrait connaître le parolier de ce « Taque ses ans, t'es jolie et rien qu'à moi » de Johnny Hallyday de 1963. Bonjour ou rebonjour, Florence Rochefort. Et vous venez pour nous parler dans la deuxième partie de cette émission de ce numéro de Clio, donc cette revue qui s'intéresse à l'histoire du femme, du genre, et qui consacre son dernier numéro au nom des femmes. Et vous avez écrit sur ce nom des femmes un article consacré aux politiques féministes du nom, où on découvre effectivement qu'il n'y a pas que depuis les années 70 que les féministes s'intéressent à cette question du nom de jeune fille ou du nom de femme mariée, qu'elles doivent affubler selon les critères et selon les périodes, en l'occurrence Florence Rochefort. Oui, c'est une question qui en fait a été assez rapidement soulevée par les féministes de la Belle Époque. Pourquoi est-ce que les femmes mariées doivent-elles abandonner leur nom de jeune fille ? Alors c'est une vraie question. Elles constatent que en abandonnant leur nom, elles abandonnent une partie de leur personnalité. Elles deviennent uniquement des épouses. Elles prennent un statut. Et comme ce mouvement encourage l'émancipation féminine et l'individuation, le fait que les femmes deviennent des sujets à part entière et possèdent et décident de leur vie, elles les encouragent et elles essayent de les convaincre de garder leur nom de jeune fille. Et elles dénoncent cet usage. Alors au début, faut préciser, Florence Rochefort, que ces militantes, ce sont des intellectuels. Hein. On peut penser à Hubertine Auclert ou Clémence Royer. En tous les cas, sur cette question de la perte de leur nom de jeune fille, c'est aussi le fait qu'on les reconnaît pas à part entière en tant que voilà créatrice, par exemple, ou écrivaine, et que du coup le changement de nom fait aussi que leurs premières œuvres disparaissent, par exemple, au niveau de la reconnaissance. Enfin, voilà, parmi leurs arguments, il y a l'idée de la personnalité, il y a aussi l'idée du social, c'est-à-dire que si les femmes divorcent, donc le divorce est autorisé, même de façon assez restreinte, mais autorisé depuis 1884, donc une fois qu'elles divorcent, elles n'ont pas forcément la possibilité même de garder le nom de leur mari ou sous lequel elles seraient devenues connues, donc elles essayent à chaque fois de trouver des arguments en montrant des exemples. Il y avait des exemples connu dans la presse qui montrait que des femmes avaient perdu la possibilité de leur notoriété parce que le mari interdisait la possibilité de garder leur nom. Mais c'est aussi ce qu'elles essayent aussi de montrer, c'est que c'est un usage et non pas une obligation légale. Oui, et d'ailleurs j'ai découvert en vous lisant, je ne le savais pas, pourquoi tant d'écrivaines de la fin du 19e siècle préféraient ne pas mettre de nom, comme Séverine d'ailleurs, ou d'autres qui, d'une certaine façon, trouvaient cela militant que de ne pas mettre de nom, puisqu'on était reconnu par son prénom, et son prénom, ça n'appartient qu'à soi. Voilà, alors ça a été un choix, notamment des Saint-Simoniennes en 1830, qui était un mouvement là aussi déjà féministe, même si le mot n'existait pas encore, qui en tout cas luttait pour l'émancipation des femmes et qui avait choisi de ne garder et de ne signer que d'un prénom. Ça va être voie d'initial, mais souvent d'un prénom, ce n'est ni notre mari ni notre père. C'est nous-mêmes. Et finalement, quel est le nom que nous avons en propre ? Eh bien, c'est notre prénom. Et c'est ce que reprendront aussi des féministes des années 70 en voulant justement rompre avec ce système d'attribution des noms qui leur semble un symbole du système patriarcal. Et puis alors, certaines comparent ce changement de nom à l'esclavage. Enfin, ça, c'est bon, c'est une récurrence chez les féministes de cette époque-là. Mais en tous les cas, cette perte d'identité, cette perte du nom, c'est la même que l'esclave lorsqu'il est acheté par son maître, qui n'a pas de nom. Alors, le parallèle entre l'oppression des femmes et l'esclavage, c'est absolument fondamental dans la pensée féministe occidentale. Ensuite, avec la comparaison avec les prolétaires, et donc on retrouve ces comparaisons effectivement à partir du nom. Et c'est aussi une vraie question, disons concrètement, de comment le nom des esclaves était ou pas attribué par les maîtres, qui est abordé dans le numéro par Sue Peabody sur l'île Bourbon, parce que c'est une vraie question aussi. Et juste pour revenir sur les prénoms, c'est aussi très intéressant par rapport à cette longue durée qu'aborde le numéro, c'est qu'en fait, ce nom de famille, c'est quelque chose de relativement récent, si on se met vraiment dans la très longue durée, et on était désigné par un prénom et par un surnom. Mmh. Et ce qui est très intéressant quand on vous lit, c'est qu'on s'aperçoit que ces féministes de la première époque, la première vague, pourrait-on dire, à la fin du 19e siècle, Hubertine Auclair, Clémence Royer et bien d'autres, ont pensé à beaucoup de choses qui n'ont pu voir le jour que bien plus tard, c'est-à-dire il y a maintenant 10, 15 ou 20 ans, en l'occurrence, et en particulier à cette question du madame et de mademoiselle, donc qui a perduré jusqu'à 2012, puisque je crois que c'est 2012 le moment où il y a une décision prise par la ministre Roselyne Bachelot d'accéder à la demande de supprimer sur les papiers d'identité et les papiers officiels cette question du mademoiselle. C'était une demande d'Hubertine Auclair. C'était une demande d'Hubertine Auclair et de Clémence Royer, qui dit qu'elle regrette très, qui est donc Clémence Royer, une femme de science qui était la première traductrice de Darwin en français, et qui dit qu'elle regrette amèrement d'avoir sous les conseils de son éditeur, voire sous la pression de son éditeur, signé Mademoiselle Royer. Et elle dit, oh là là, ça m'a poursuivi toute ma vie, c'est une horreur, je n'arrive pas à me débarrasser de ce mademoiselle. Et elle dit, je refuserai toutes les lettres qui me seront adressées avec le nom de mademoiselle. Et alors, ce qui est intéressant dans la démarche féministe, c'est que justement, il y a cette idée du nom, donc de la perte du nom de jeune fille, qui n'est qu'un usage. Il y a cette idée de l'appellation, de la dénomination madame, mademoiselle, qui est aussi un usage, dont elle montre que historiquement, il s'instaure au 19e siècle. Mmh. Et elle montre donc que c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait... Et qui stigmatise quelque chose, un état quoi, de femme non mariée, femme célibataire. C'est quelque chose qui est spécifique aux femmes, puisque les hommes, on ne les appelle plus des damoiseaux, on a plus... ce damoiseau a existé. Mais donc il y a une stigmatisation qui est spécifique au statut des femmes, qui ne sont pas vues comme des personnes, des individus à part entière, ou des citoyennes à part entière, mais comme relatives à un homme. Donc on donne leur statut, on décline le statut, et puis on donne un peu la façon, êtes-vous disponible ou pas. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout un jeu sur le marché matrimonial. Et elle lie ces deux questions avec une troisième question très importante, qui est la transmission du nom aux enfants, mais qui là est quelque chose de beaucoup plus, ce qui n'est pas qu'un usage, c'est aussi une loi. Donc déjà, elle s'attaque au nom et au madame mademoiselle en espérant que les mentalités puissent changer. Et là, c'est une question beaucoup plus difficile. Oui, alors la question de la filiation. Alors, certaines vont proposer que les mères donnent leur nom aux filles et les pères au fils, par exemple. Voilà. Alors, on s'aperçoit justement dans le numéro... Parce que les solutions varient. Oui, voilà, qu'en fait, on s'aperçoit que dans toutes sortes de sociétés, les habitudes sont très très variées et on peut retrouver ce système aussi de transmission du nom de la mère aux filles, du nom du père aux garçons. Donc ça, c'est un juriste féministe, il n'y en avait pas tant que ça, qui en plus est assez féru d'anthropologie et qui dit mais en fait c'est une négation anthropologique le fait qu'elles perdent leur nom et que ces noms ne se transmettent pas. Et il faut, pour avoir une société vraiment égalitaire, il faut que les femmes puissent transmettre aussi leur nom. Mais on reproche toujours en disant, mais si vous mettez les deux noms, ça fera 4 noms, puis 18 noms, c'est ouais, impossible. C'est... Donc ça, c'est un blocage très fort dans ceux qui refusent ces transformations. Oui, Frédéric Alamarny, dans le livre dont on a parlé en première partie de cette émission, évoquait la puissance de la Troisième République, un des caciques de cette Troisième République, qui était pourtant élevé dans un milieu féministe, qui s'appelait René Viviani, a été un frein aussi aux demandes et aux récriminations de ces féministes fin 19e siècle, en particulier parce qu'ils disaient, tout compte fait, vous avez le droit de demander ce que vous demandez, mais 99% des femmes ne le demandent pas, donc nous qui sommes les représentants de la nation, n'allons pas à statuer sur cette question-là. Oui, alors c'est intéressant parce que René Viviani, il est vraiment engagé féministe depuis vraiment sa plus prime jeunesse, parce que sa mère était déjà féministe et il était très attaché à sa mère et ils sont adhérents ensemble à un groupe féministe. Mais alors sur cette question, et il a beaucoup soutenu aussi la loi sur le divorce, il est attaché à l'idée d'un statut du mariage et il ne veut pas entendre, il n'est pas d'accord avec cette revendication et effectivement il considère qu'en plus... c'est un usage qui est trop répandu et une revendication trop minoritaire. Oui, préconise même de ne pas se marier à ce compte-là. Voilà. Et hein, si vous voulez vraiment garder votre nom, on voit peut-être un certain attachement au nom du père et au nom du mari, parce que ça, voilà. Après, c'est aussi le nom qui va être transmis aux enfants. Donc, alors, quand je dis le nom du père, c'est le nom du futur père. Ce que vous expliquez bien dans votre article, donc dans la revue Clio consacrée dans toute cette revue. De la dernière livraison au nom des femmes, Florence Rochefort, ce que vous expliquez bien, c'est qu'en fait, il aura fallu un très long temps pour que cela advienne dans la loi, puisque c'est 2002 et 2012 qui sont les deux pierres de touche sur lesquelles vous insistez pour terminer, avec des petites avancées, toutes petites, du temps de François... Il y a le MLF quand même qui va agir. Mais du temps de François Mitterrand est encore très peu, dites-vous, parce que effectivement, même si 6 Françaises sur 10 en 1976, dans un sondage commandé par Marie-Claire, décide que oui, on pourrait ne pas perdre son nom de jeune fille en se mariant, il faudra beaucoup de temps pour que ça advienne. Oui, alors ce qui change, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui en éprouvent le besoin. Et qui, quand elles le souhaitent, affrontent des difficultés assez terribles, notamment administrativement, ou dans le cadre professionnel, ou même à la banque, systématiquement, on refuse de les inscrire sous leur nom de jeune fille, alors que là, elles ont la loi pour elles. Mais appliquer ce droit, qui est le droit de se faire inscrire ou de se faire nommer de son nom de jeune fille, n'est pas respecté. Donc il y a une colère de ne pas pouvoir appliquer cette mesure ou ce choix. Mais par ailleurs, on s'aperçoit même encore aujourd'hui que ça reste assez minoritaire et que finalement encore beaucoup de femmes adoptent sans trop se poser de questions, même s'il y a de moins en moins de mariages, mais elles adoptent quand elles se marient le nom de leur conjoint. Et la transmission du nom aux enfants? Alors la transmission du nom, ça a aussi été donc une revendication importante et un blocage très très difficile à lever, parce que ça touche à quelque chose de très très sensible dans l'imaginaire du système patriarcal et disons du pouvoir des hommes, qui est vraiment de transmettre leur nom. Mais là, grâce à la mobilisation féministe, on a pu obtenir dans les années 2000, et c'est plus un combat des années 90 et 2000 que du MLF. Mmh. Pourquoi ? Parce que le MLF était anti-mariage. Mmh. C'était plus une contre-culture politique d'extrême-gauche. Et la question de la transmission du nom n'était pas fondamentale, en tout cas, dans ces années-là. Et elle va plutôt être prise par ce qu'on a appelé un féminisme modéré, un féminisme institutionnel, et notamment par Françoise Giroud, et ensuite par toutes les instances officielles qui défendent les droits des femmes. Mais on voit bien tout de même combien cela résiste encore, d'une certaine façon, parce que vous évoquez dans cet article, Florence Rochefort, le travail qui avait été commandé par Yvette Roudy, qui était ministre des droits des femmes sous François Mitterrand, lors du premier septennat de François Mitterrand, et qui avait demandé à Benoît de Groulx une commission, de créer une commission sur la féminisation des noms de métiers et de grades. Et on voit bien que sur ces questions-là, c'est donc dans le début des années 80, ça résiste encore. Ça résiste encore, ou sur ce qu'on appelle l'écriture inclusive, c'est remarqué. Regardez combien ça résiste à propos de l'écriture inclusive depuis la semaine dernière, par exemple, tous donc, ces débats. C'est sûr que toute cette question du nom, du marquage, disons, du masculin, du féminin, est quelque chose qui touche très profondément à du symbolique et qui provoque des résistances très, très profondes. Mais néanmoins, on a quand même eu cette loi du 4 mars 2002 sur la transmission. Alors, il y avait eu déjà une loi en 1985 qui autorisait le double nom aux enfants, mais ça ne pouvait pas se transmettre. Donc on ne transmettait toujours que le nom du père. Et du coup, cette loi était aussi pas mal critiquée parce qu'elle avait peu d'efficacité. Alors que la loi de 2002 permet ce double nom, mais les exemples qui sont cités dans le numéro de Clio, notamment Wilfried Rowe qui a étudié en enquête cet usage, montre à quel point c'est encore difficile. C'est avec beaucoup, d'abord c'est utilisé par peu de couples. Quand ils l'utilisent, c'est très souvent le nom du conjoint masculin qui se met devant, et c'est le fruit de négociations assez rudes. Merci Florence Rochefort. Je rappelle que vous avez participé au dernier numéro de Clio, Femmes, Genre et Histoire, qui s'intitule Le nom des femmes, qui vient tout juste de paraître, avec des articles d'Agnès Fine et de Christiane Clapiche-Joubert qui dirige le numéro, mais également de Marie Augier, de Martha Kiel, vous l'avez cité, de Wilfried Rowe, de Jérôme Courduriès, de Soupy Buddy ou encore de Caroline Vasseur-Bovard, donc autour de cette question du nom des femmes. Demain, nous continuerons notre série consacrée aux jeunes filles avec un cas très particulier que vous avez découverte il y a très peu de temps. C'était le cas de Lily Epstein. Qui est Lily Epstein? Alors, on va écouter un extrait de ce documentaire. Mais Lily Epstein, oui, tout est parti de l'inauguration d'une rue à Mulhouse, une rue Lily Epstein. Et derrière l'inauguration de cette rue, il y a toute une histoire, notamment son cousin, Daniel Gerson, qui découvre des dessins. Et puis, une enseignante, Doris Courtois, qui est très émue par ce parcours, cet itinéraire de Lily Epstein, et qui fait travailler ses élèves sur cette histoire-là, et qui les emmène à Auschwitz. Enfin, voilà, il y a autour de cette redécouverte, de cet hommage rendu à une jeune fille, qui représente des milliers de jeunes filles, en fait. Voilà, c'est cette histoire-là qu'on vous racontera demain. Un extrait. Alors, ça, c'est la petite valise où j'ai trouvé les dessins de Lily. Cette valise va être mise à Mulhouse parce que les archivistes ont trouvé que c'était très émouvant de la voir. Donc, c'est une petite valise en carton, peinte en marron. On devait faire ça à cette époque. À l'époque. Oui, oui. Avec des petites fermetures, là. Oui. Ça, là, qui se clipent. Voilà. Alors, elle a un petit peu rouillée. Bien sûr. Voilà. Et alors, vous, Daniel? Alors, Daniel ou David Gerson, d'ailleurs? Les deux, ça m'est égal. David, Daniel ou Daniel? Mes deux prénoms, c'est David, Daniel. Parce qu'en Alsace, on donne toujours le prénom du grand-père en premier. Il s'appelait David, donc voilà. Et donc, vous, cette malle, vous l'avez trouvée où et quand? Je l'ai trouvée, je pense, dans les années 2000, à peu près. Je sais que ma mère m'a montré une ou deux fois les dessins, mais elle refermait aussitôt ça, elle pleurait. C'est en fait une valise que la maman gardait précieusement, qu'il ne pouvait pas ouvrir parce que c'était trop douloureux pour la maman. Doris Courtois. Dans cette valise, il y avait des photos, des documents, un presse-book de sa maman, etc. Et j'ai pu avoir accès à d'autres documents des archives nationales, dossier de spoliation, où j'ai pu lire dans les comptes rendus d'une enquête à l'époque de Vichy. Il fallait donc administrer les biens puisque les Epstein étaient arrêtés. Et pas grand-chose dans l'inventaire des biens. Rien de valeur. Par contre, il est mention d'une malle. D'une malle dans laquelle il y a des photos. Et je me demande si cette malle, c'est pas cette valise. Du coup, ce qui reste des biens, c'est tout ce que Marthe Marthe Gerson, la maman, a pu récupérer. Donc en fait, cette valise, voilà, contenait en même temps le trésor, c'est-à-dire ce que nous laisse Lily, une trace vivante, puisque ce sont ses dessins et c'est très touchant de découvrir cela, d'autant plus que les couleurs restent vives. Redécouverte donc d'une jeune fille assassinée en 1943 à Auschwitz. C'est ce qu'on pourra écouter demain dans votre documentaire que vous avez signé avec Séverine Cassard, Séverine Yatta. Et puis mercredi et jeudi, nous continuerons notre série consacrée à l'histoire des jeunes filles. Notre quête des jeunes filles. Oui. On parlera de la sexualité des jeunes filles, du contrôle de la sexualité des jeunes filles, surtout mercredi. Et puis jeudi, on travaillera sur les filles rebelles, mais qui sont réprimées aussi, généralement, du fait de leur rebellitude, justement, et de leur transgression. Merci donc Séverine Yatta, on vous retrouve demain et toute cette série, toute cette semaine dans la Fabrique de l'Histoire. Rappelons que nous avons parlé ce matin donc de Clio, Femmes, Genre et Histoire, dernier numéro consacré au nom des femmes, et également du livre de Frédéric Elamrani-Boisseau, donc paru aux presses universitaires de Rennes, Fille de la Terre, apprentissage au féminin entre Anjou entre 1920 et 1950, avec une préface de Christine Barre. Merci à toutes les trois. Et nous terminons avec un titre de François de Roubaix. Vous aurez reconnu sûrement cet auteur multiple de très nombreuses musiques de films pour « Mais où sont passées les jeunes filles en fleurs ?» Un titre de 1975. Cette émission, comme d'habitude, était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Anthony Thomasson était avec nous aujourd'hui à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, où vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, mais également nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC, Fabrique FC.